il est si un enfant qui traîne dans la rue. Je sais pas comment passer mon temps, celui qu'il faut que je tue. Plus souvent j'accoste les champs, je leur tends une main. Ils hésitent, m'observent un moment, je ne demande que du pain. D'autres fois faut que je cours droit devant, c'est parce qu'on me poursuit. J'avoue ça m'excite ce moment, ça met du piment à ma vie. Y'a ma mère qui pleure doucement, à son dernier elle donne le sein. Faut qu'elle se fasse une raison maintenant, même pour lui. Elle n'a plus rien. Je ne suis qu'un enfant qui dort même en treillis. Je suis pour rien, ce sont des grands qui m'ont dit défends ta patrie. Et tous les jours j'entends des bombes sauter pas très loin. Je vois même des mâles de sang, j'aimerais t'en m'enterrer dans un coin. Je vis avec la peur dedans, j'ai pas choisi ce pays. On dit qu'il y avait la paix avant, j'sais même pas ce qu'elle signifie. Y'a ma mère oubliée depuis longtemps, qui doit, je crois, subir des violences. Faut qu'elle soit force, y'a un homme maintenant. J'attends d'ailleurs une récompense. Je suis aussi un enfant qui travaille jour et nuit. J'ai une grande famille pourtant, tous inaptes, je suis le choisi. Et mon père sous tout le temps préfère battre ma mère dans les cris. Je rêve de quand je serai grand, je serai bien loin de tout ce bruit. L'école pour moi c'était avant, j'ai à mon âge un sérieux devoir. Si je ne ramène pas d'argent, personne ne mangera ce soir. Y'a ma mère qui pleure doucement, 11 enfants et un autre en route. Pourquoi Dieu lui en veut tant? C'est son destin, sans nul doute. Je suis cet enfant, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Même si elle me manque, maman, avec papa je suis l'enfant roi. Je compte pas être un truand, plus tard même si trop je reçois. Ni pas ennui, mais gardant quelques drogues qui je sais déçoit. Et oui je suis un enfant qui ne se pose pas de questions. Je profite pour l'instant de tout ce qui m'est offert de bon. Même si, soi-disant, c'est par nos usines que la terre meurt, je n'ai encore que 10 ans. Mon souci est pour moi.